Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bah vous êtes sur l'émission effectivement Tranche d'Anard pour le premier Tranche d'Anard de l'année 2019. Bonne année à tous, en tout cas. Donc, nous sommes toujours situés au 365A, chaussée d'Alsenberg, 1100 de Bruxelles. C'est un peu la vieillesse qui me fait perdre la mémoire, mais ça va. Notre numéro de téléphone, 02 344 58 55, comme dirait Achou, notre numéro standard. Vous pouvez toujours nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. Nous vous répondrons. On va peut-être pas écouter, mais... Voilà, ok. En tout cas, voilà, donc nous sommes un peu en forme, nous ne sommes pas nombreux ce soir, nous sommes trois. Nous avons notre cher ami Hans qui est là, et puis notre technicien habituel, Serge, et voilà. Donc ce soir, nous allons vous parler d'un monsieur qui s'appelle Osvaldo Bayer, qui était argentin et anarchiste, par la même occasion. Et qui est décédé, qui a fait l'affront de décéder juste la veille de Noël. Voilà. Donc, c'était quelqu'un d'assez important qui a beaucoup lutté dans son pays contre les dictatures multiples qui étaient là-bas. Oui, tout à fait. Il était du côté de la lutte des Mapuches. Aussi. Bah, en tout cas, si on parle de Osvaldo Bayer, en fait, on parle de toute l'histoire sociale d'un siècle, en fait, quasi en Argentine, puisque soit il a participé, il était présent, ou bien il a fait des recherches là-dessus, il a écrit des livres, et il a fait des films. Et donc, on voudrait bien parler de lui. Ce sera surtout par la musique, parce qu'il a... Il a fait du tango aussi, enfin pas seulement lui, mais notamment avec, par exemple, le groupe Quinteto Negro La Boca. Et en fait, on reprend dans les chansons, ce sont des tangos libertaires, on reprend dans les chansons plein d'histoires sociales, histoires anarchistes en Argentine. Donc voilà, on va d'abord vous passer une vieille chanson anarchiste argentine de 1905. Et puis par après, on va faire juste un petit tour de sa vie et on va écouter les différents tangos, etc. Pero no solo pasadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista. ¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr! Al Congreso de los Anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo. que pretende tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Donc Osvaldo Bayer, il est né en 1927 à Santa Fe, en Argentine. Et donc, il est mort le 24 décembre dernier. Il est à la fois anarchiste, historien, écrivain, journaliste, scénariste. Il se définissait comme anarchiste et pacifiste. Et il a collaboré à divers journaux et a eu pas mal de problèmes en raison de ses écrits. En particulier, son ouvrage sur une grève insurrectionnelle survenue en Patagonie dans les années 20 et durement réprimée par l'armée. Et puis, il a, bon, cette position politique, il a proposé de changer des noms de villes. On leur donnait des noms de militaires qui ont maté une insurrection, par exemple. Et il propose de remplacer ce nom avec un nom d'activiste. Bon, il a étudié en Allemagne dans les années 50. Puis il est rentré en Argentine. Il a eu pas mal de problèmes avec le régime militaire d'Aramburu, avec le régime de Evita Perón. Et puis, il a dû partir juste avant l'arrivée de la nouvelle dictature militaire en 1976. Puis il est revenu dans le pays en 83-84, après la fin de la dictature, où il a continué son travail de journaliste. Donc, il a écrit dans plein de journaux. Noticias Gráficas, Escuela, Clarín, La Chispa, Pagina 12 et d'autres. Et puis il a écrit plusieurs livres, notamment Los Vengadores de la Patagonia Rebelde, qui par après a été filmé en 1974. Il joue même dans le film, si j'ai bien compris. Mais j'ai pas encore vu le film, j'ai pas eu le temps. Mais je ferai ça sous peu. Parce qu'on peut, si on connaît un peu les astuces, comment se télécharger sur Internet, on peut le trouver et le télécharger. Voilà. Donc il a écrit sur plein d'épisodes de l'histoire sociale en Argentine. Un des exemples, enfin, bon, si on parle de l'histoire sociale et l'histoire des anarchistes en Argentine, on peut faire 5 émissions, je pense, parce que c'est une histoire très, très riche. Et voilà, un des trucs dont il a écrit, notamment, c'était la semaine rouge, en tout cas. Tu vois, donc c'est en 1909, il y a eu des problèmes pendant une manifestation des anarchistes du 1er mai. Donc il y avait la manif des socialistes, qu'on a laissé tranquille, puis il y a les anarchistes qui ont fait aussi leur manifestation, notamment avec l'AFORA, donc c'est l'organisation historique des anarchistes en Argentine. Et donc voilà, on tire dans la foule, il y a 11 ouvriers qui meurent et des dizaines de personnes qui sont blessées. Et puis ça continue, quoi, parce qu'il y a l'enterrement des morts le 4 mai avec une autre mobilisation de 300 000 personnes. Puis enfin, il y a une grève qui éclate le 8 mai, et tout ça en 1909. Et le 14 novembre 1909, un jeune anarchiste qui s'appelait Simon Radovitsky, qui va tuer donc le responsable de la répression, Ramon Falcón, et son secrétaire. Et lui, il est vraiment considéré comme le vengeur. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Osvaldo a coopéré aussi avec le groupe de tango. Et donc, je vous propose d'écouter Quinteto Negro La Boca, qui a sorti un CD de tango libertaire ensemble avec Osvaldo. Et voilà, ça chante donc El Vengador, le jeune anarchiste Simon Radovitsky. No había sido gratuito la represión. Pagó el responsable. Kurt Gustav Wilkens. Su nombre quedó para siempre como un héroe. Le cantaron los payadores criollos como al vengador de la muerte de tantos peones rurales fusilados. Aquel que a cientos mató, en el sur lo fusiló, y con justicia obrera de mambo lo mataste, sicario del vengador. Te llamaban Kurt Wilkens, diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida con honor, con una bomba y cuatro tiros que mataron a el cabrón. Mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros, y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero al traicionero vengador, justiciero. Cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo, y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia. La que del polvo resucita generando hazañas, se llama dignidad y mueve cielos y montañas. Habrá una flor para vos, vindicador, héroe de las pionadas. El pueblo canta para vos con todo amor y gratitud. El pueblo canta para vos, Arevalo, sos el vengador. Vos, vengador, estás entre nuestros héroes indomables, porque en tu acto necesario estábamos presentes. El pueblo obrero, Paco Grande, también Argüelles. Suena los fuelles anunciando al mundo la noticia. Algunos le llaman venganza, pero nosotros fue justicia. Habrá una flor para vos, vindicador. El pueblo canta más. Canta para vos, Kurt Wilkens. ¡Vengador! Donc, ce Bengador, le Vengeur. Simon Radovitsky, il est d'origine ukrainienne et son histoire est un peu typique de plein de gens qui sont arrivés comme immigrants en Argentine ou en Amérique du Sud en général. Donc, il était un ouvrier ukrainien, d'origine ukrainienne et un militant anarchiste. Il va à l'école jusqu'à 10 ans, puis il va travailler dans un atelier de mécanique. À 14 ans, il participe à une première grève et est blessé par un coup de sabre à la poitrine. Et il est ensuite condamné à 4 mois de prison pour distribution de tracts. Et quand il y a eu la révolution russe de 1905, il avait 15 ans et il a été nommé secrétaire du Soviet de son usine. Bon, bien sûr, cette révolution en 1905 en Russie, ça ne marche pas. Et donc il doit s'exiler, il doit partir. Donc, enfin, en tout cas, en 1908, il est arrivé en Argentine, il a trouvé un travail de mécanicien, et il lit la presse anarchiste, et en particulier la Protesta, qui est l'organe anarcho-syndicaliste publié par la Fédération Obrera Regional Argentina, FORA, donc ce syndicat historique anarcho-syndicaliste de l'Argentine. Et puisque la FORA fait appel donc pour le 1er mai 1909 à la manifestation à Buenos Aires, il va participer. Bon, il y a un massacre, la police charge les manifestants et la terreur donc de la Semana Roja, la Semaine Rouge qui commence à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il a décidé de venger les ouvriers morts et il a fait une bombe qu'il a jetée le 14 novembre. Sur le colonel Falcon, il a tué son secrétaire, et puis il essaie de se suicider, ça ne marche pas, il est condamné à mort, puis sa peine est commuée en prison à perpétuité, parce qu'il est toujours très jeune, et donc les anarchistes pendant des années essayent de le libérer. À un moment, on parvient à le faire évader de la prison, en 1918, Il part en Chili, mais là, il est de nouveau arrêté et on le renvoie en Argentine et en prison. Mais en 1930, il y a une amnistie et il est libéré, avec l'obligation de quitter le territoire. Donc, il s'installe à Montevideo, en Uruguay. Là, il y a aussi un coup d'État le 31 mars 1933. Il milite contre la dictature, il est arrêté. Il est déporté, il s'évade et puis il part en Espagne. Et pendant la Révolution espagnole, il s'est battu sur le front d'Aragon et après il a travaillé à l'Office de propagande extérieure de la CNT à Barcelone. En 1939, il est interné en France, comme beaucoup d'autres cinétistes. Qui doivent partir à la fin de la guerre. Et puis quand il est libéré, il part au Mexique et il travaille pour des revues et il meurt en 1956. Comme quoi, ces gens-là, ils avaient des vies quand même bien, bien remplies et bien mouvementées. Mais on va un peu revenir à Osvaldo. Et il est surtout connu pour le livre « Los Vengadores » de la Patagonie rebelle, les vengeurs de la Patagonie rebelle. D'abord, c'était un livre, puis ça a été un film. Il a participé au scénario, il joue aussi un petit rôle, si j'ai bien compris, dans le film. En fait, juste la Patagonie rebelle, déjà, il faudrait faire une ou deux ou trois émissions là-dessus, parce que c'est très complexe, en fait. C'est en 1920 que ça commence en Patagonie, donc dans le sud de l'Argentine, et ça commence avec une grève des journaliers agricoles et des ouvriers de l'industrie de la viande. D'abord, il y a un accord avec le patron, et puis le patron ne respecte pas l'accord. Et il y a aussi des mesures contre les meneurs de la grève. Et du coup, le conflit dégénère en une grève insurrectionnelle qui est durement réprimé par les troupes de l'armée argentine, dépêchées sur place par le gouvernement argentin. Plus ou moins 1500 ouvriers ont été tués par les armes. Et voilà. Et puis un an plus tard, donc le lieutenant-colonel qui était le commandant de la brigade de la cavalerie qui était sur place, qui menait cette répression, il a été assassiné à la bombe par un certain Kurt Gustav Wilkens, un anarchiste allemand. Mais de ça, on va vous parler tout à l'heure. Donc, je propose qu'on passe encore un morceau de tango, la Patagonia rebelde. Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra le declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. Toda vara por él no más, toda vara. Así fue la palabra contra el fusil, mataron 100 y 1000 para su dolor y muerte. Gauchos, argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente, vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria, inconclusa, ensangrentada, fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada, masacre contra miles, rebeldes contra serviles, las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles, ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta, a fuego lento iba con cocinándose la gesta, reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, tiemblan los patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. ¿Cómo es llamarada? Tus hijos. Tus hijos. De la tierra esos son héroes. Tus héroes son para siempre. Patagonia. Antonio Soto, Argüelles, Facón Grande, rebeldes todos de la Patagonia, presentes del sur del sur. ¡Bra! ¡Bra! Je trouve que la Patagonia rebelde, ça vaut bien une explication un peu plus approfondie. Mais on n'a pas vraiment le temps pour ça aujourd'hui. En plus, on va parler de Osvaldo, pas que de cette Patagonie rebelle. Et voilà, donc là, tout à l'heure, on avait le vengeur anarchiste ukrainien. Et bien là, c'était un anarchiste allemand qui a vengé la répression. Donc, il a tué Hector Varela Benigno, c'est le chef militaire qui était chargé de la répression du soulèvement ouvrier anarcho-syndicaliste. Donc c'est ça qu'on appelle en fait la Patagonia rebelle. C'est cet épisode en 1920-1921 dans la province de Santa Cruz, en Patagonie argentine. Voilà, lui c'est un Allemand, il est de Silésie, aujourd'hui c'est la Pologne, mais à cette époque-là c'était encore l'Allemagne. Et voilà, il émigre aux États-Unis comme plein de gens, bien sûr. Et il va travailler dans une mine en Arizona. Et puis, il devient anarchiste et membre du syndicat Industrial Workers of the World, bien sûr, hein, les IWW. Il participe à une grève en 1916. Il est interné, il s'évade. Il est expulsé de nouveau vers l'Allemagne. Et puis, de là, il repart en 1920 pour l'Argentine, où il travaille comme ouvrier agricole et puis comme docker. Et donc en 1921, à Buenos Aires, il fréquente le local anarchiste. Enfin, il les connaît bien. Et ça dépend des sources, le 25 ou le 27 janvier 1923, révolté par l'assassinat de 1500 ouvriers agricoles grévistes en Patagonie rebelle, il décide de frapper Hector Varela Benigno, responsable de la répression militaire. Donc il essaie plusieurs fois, mais à chaque fois le mec il est accompagné de ses filles, donc il s'arrête. Il faut dire que Kurt Gustav Wilkens, c'était un anarchiste, mais aussi un pacifiste. Il était contre l'alcool, il était végétarien. Et donc les armes, il n'avait pas l'habitude, il a fabriqué une bombe, mais ce n'était pas vraiment son truc. Mais bon, à un moment, il arrive quand même à attaquer Varela, d'abord avec une bombe qui blesse Varela, et lui-même aussi d'ailleurs. Et puis il lui tire dessus quatre fois, puisque apparemment, pour les exécutions, Varela avait dit à ses soldats de tirer quatre fois sur les ouvriers. Bon, donc il n'a pas pu s'enfuir puisqu'il était blessé. Et voilà, donc après il est condamné à 17 ans d'emprisonnement. Donc il n'est pas condamné à mort. Mais le 15 juin 1923, il est assassiné dans sa cellule pendant son sommeil par un activiste fasciste qui était aussi gardien de prison. Voilà, bon, ça c'est juste un épisode, il y a plein d'autres épisodes, et notamment la Patagonia rebelde a inspiré beaucoup d'histoires. Il y a une histoire très connue, notamment sur les prostituées, qui à un moment, qui après le massacre, qui refusent encore de servir les soldats. Et après on a fait des chansons, on a fait des pièces de théâtre. Donc c'est sur le bordel la catalana. Et bien sûr, un tango a été écrit Varela dejó secuela, condecorado en las escuelas y de carapela, responsable de una matanza que persiste. Oui, c'est à moi. Oui. Okay. Un petit claque. En tout cas, on va vous passer encore un morceau de Quinteto Negro, La Boca. Qui a été créé ensemble avec Osvaldo Bayer. Voilà, on y va. Donc ce sont deux chansons sur le sujet de la prostitution. Ouais. Et puis il y aura une chanson punk par après, par un groupe qui s'appelle en fait Las Putas de San Julián, parce que c'est comme ça que les femmes, les prostituées sont connues en fait, Las Putas de San Julián. Las prostitutas fueron las únicas mujeres que reaccionaron contra el fusilamiento de tantos centenares de peones rurales patagónicos. Y en San Julián ocurrió lo siguiente. está registrado por los diarios. Los soldados fueron al prostíbulo La Catalana. Golpearon la puerta y quisieron entrar. Y salieron las cinco putas con escobas al grito de asesinos, fusiladores. Con asesinos no nos acostamos. La casa de tolerancia, no hay cama para traición. En nombre de los obreros y peones fusilados, dejaron todos alzados, Varela y soldados. Viento rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar. Como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar. Como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Hoy la historia pega el grito por las que parieron silencio. Y en ese horizonte infinito la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se paseaba de uniforme, la verdad hizo historia. Hizo historia entre los hombres. Lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar. Como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Doña María, Doña María, Consuelo, Consuelo, Angélica, María, Maúd, las putas de San Julián, las putas de San Julián, plenas de coraje. Fuerte el aplauso el Cholo Castelo, Natalí Di Vincenzo. Ça change un peu du tango. Hein? C'est vrai. C'est un peu plus moderne, disons. Ouais, mais ça parle de la même chose. En fait, c'est, le groupe s'appelle aussi Las Putas de San Julián et la chanson, c'était Las Prostitutas de San Julián. Voilà, donc ça, c'est un épisode. Enfin, il y a plein d'autres immigrations, bien sûr. En Argentine, on a déjà eu un Ukrainien et un Allemand. Maintenant, je vais vous parler... de Severino Di Giovanni, donc un Italien, c'est clair, ou d'origine italienne en tout cas, qui était un antifasciste, anarchiste, assez radical. Et donc, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'admiration pour le fascisme italien en Argentine. C'était enfin, une grande influence dans les élites politiques et militaires, les grands propriétaires et tout ça. Et Severino était d'une tendance qui de l'anarchisme par l'acte. Et il a fait pas mal d'attaques. C'est un peu au même moment des anarchistes expropriateurs. C'est encore une histoire importante. Donc ça, c'était les anarchistes qui braquaient les banques, qui attaquaient les familles riches pour après redistribuer l'argent soit aux pauvres, soit pour financer des mouvements, des journaux, des trucs comme ça. Et c'est un peu dans tout ce contexte que Severino il a été actif. Mais lui, puisqu'il était italien, et sa famille, tous ses camarades connaissaient très bien le fascisme italien. Ils ont attaqué pas mal, et ils ont fait plusieurs attentats à la bombe et autres. Et puis aussi, c'est aussi le moment de Sacco and Vanzetti, donc le procès aux États-Unis. Et puis il y a un mouvement très important, un mouvement international de soutien à Sacco and Vanzetti, mais ça va de disons, d'initiatives assez sages, social-démocrates, jusqu'à des attaques par des anarchistes qui terroristes, disons. Enfin, ils étaient considérés comme des terroristes, en tout cas. Et peut-être qu'ils se considéraient comme terroristes aussi, je n'en sais rien. Et le Severino, il a pas mal fait aussi. Donc, à un moment, donc il s'est fait arrêter en janvier 1931. Il avait été grièvement blessé dans un échange de feu. Et la junta militaire organise un tribunal et plein de gens, enfin, plusieurs anarchistes en tout cas, sont condamnés. Et Severino, il est mort devant le peloton d'exécution le 1er février 1931, à l'âge de 29 ans. Et il criait « Et vive l'anarchie !» juste avant d'être tué par 8 balles de fusil. Voilà. Du coup, on revient au tango. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, c'est un autre morceau par Quinteto Negro La Boca et Osvaldo Bayer qui s'appelle Severino. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Donc Osvaldo Bayer, il a notamment aussi écrit un livre sur Severino, hein, Severino di Giovanni, El Idealista de la Violencia. C'est un des livres, de ses livres les plus connus, ensemble avec La Patagonia Rebelde et Los Anarquistas Expropriadores. Et si vous voulez consulter des livres, je pense qu'il y en a à la bibliothèque Akrata au centre-ville, parce que il y a 10 ans, j'ai passé quelques jours à Buenos Aires et j'en avais acheté pas mal de livres dans une maison d'édition anarchiste. Et je les ai ramenés à Bruxelles et je les ai donnés à Akrata. Donc je ne sais pas si vous les trouvez juste comme ça, ou si, si c'est dans un carton, quelque part, je n'en sais rien. Mais pour les gens qui maîtrisent l'espagnol et qui veulent lire les œuvres d'Osvaldo et d'autres... Ça n'a jamais été traduit? Je pense que ça a été traduit, oui. Enfin, en tout cas, la Patagonie rebelle, je pense. Mais ça, c'est à vérifier. En tout cas, les choses que moi, je vais acheter à Buenos Aires, c'était des livres en espagnol, bien sûr. Ah oui. Voilà, donc, Osvaldo, bon, il est rentré en 83 en Argentine, après la dictature. Ben, il a de nouveau rejoint des journaux. Il a continué son travail. Entre-temps, il a été enfin, pas mal reconnu, bien au-delà du mouvement anarchiste, en tant que défenseur des droits humains, des choses comme ça. Ce qu'il y a aussi, c'est que pendant la dictature, les militants de gauche qui étaient arrêtés étaient amenés dans une école militaire à Buenos Aires. Une base militaire, en fait, de la marine, où les gens étaient emprisonnés, torturés, où on leur volait les bébés qui, par après, qui étaient donnés ailleurs. Et c'est encore toute une autre lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui, notamment des veuves noires de la place de Mai à Buenos Aires. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi Osvaldo qui a réalisé ça. En fait, le lieu où les gens étaient emprisonnés a maintenant été transformé dans un projet... enfin, dans plusieurs projets, en fait. Et un des projets, c'est le tango critico. Et voilà, je propose d'écouter un morceau qui est fait aussi par le même quinteto, mais ensemble avec le tango critico. En fait, c'était en commémoration de la mort de Villeda, donc qui était le chef du gouvernement pendant la dictature. Genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños innovables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los curas y la alta curia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde, rata inmunda miserable, lacayo de los poder. Videla, culpable, la historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che Videla, solete desechable, para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón. Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza, y a vos siempre te puteó. Centinela de las patrias contratistas, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón. Y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta, de la banca internacional. Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu obra nunca tendrá paz, y en tu tumba 30,000 almas sobrevuelan, para vos y los Basera no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde, y que te vomite Dios. Voilà, donc Oswaldo Bayer, bon, ja, on a vraiment beaucoup parlé de lui. On a plutôt parlé de ce qu'il a fait, de qui il a parlé. On a voulu contacter des amis à Montevideo et à Berlin qui l'ont connu pour parler de lui, mais ça a été un peu court et ça n'a pas vraiment marché. Mais en tout cas, moi j'ai envie de creuser encore quelques épisodes de l'histoire sociale et anarchiste de l'Argentine, et pas que de l'Argentine, mais en fait de l'Amérique latine, l'Uruguay aussi, d'ailleurs. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Ouais. Alors, je vais juste vous dire, on lui a posé une question un jour. Quel est l'idéal d'un gouvernement anarchiste pour, comment vous l'imaginez? Et il a répondu, le gouvernement par assemblée, tout le peuple doit intervenir. Je pouvais voir à quel point les assemblées étaient positives lors de la crise de 2001-2002, avec quelle sagesse intervenaient les gens à l'assemblée du quartier de Belgrano. Même les vieilles dames qui n'avaient jamais parlé de toute leur vie se sont exprimées. C'était un spectacle magnifique d'écouter les voisins qui n'avaient jamais parlé de leur vie et qui avaient dit ce qu'ils pensaient. Quelle belle période que fut la démocratie du quartier. Ben, pour cette période, on pourrait inviter Natalia, mmh. Elle s'y connaît super bien, surtout sur l'autogestion dans les entreprises. Oui, voilà. Et je trouve que c'est vrai que le gouvernement par assemblée, c'est bien. Mmh. Avec droit de parole au peuple. C'est ce que font les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes. Bah, c'est ce qu'ils demandent, en tout cas. D'avoir la parole. Ouais. Ouais, il faudrait peut-être revenir sur les gilets jaunes. On va voir dans quelques semaines comment ça se passe. Oui, mais c'est pas encore terminé, je crois, parce que bon, Monsieur Macron, avec son air de premier de la classe et puis de celui qui veut faire tourner les tables. La dernière fois, il est resté debout, si j'ai bien compris. Ah oui, pour le deuxième truc, il est resté debout. Mais la première fois, il était assis à la table, on a l'impression que la table elle est soulevée toute seule. Oh, disons du mal de M. Macron, en premier, ah. le 2 janvier, quelle honte. Voilà, en tout cas, merci Hans pour cette rétrospective de Oswaldo Bayer. Alors bon, c'est vrai que c'était quelqu'un d'important et on n'en parle pas assez. Et donc, il est mort le 24 décembre, donc la veille de Noël. Mais il n'est pas très bien connu ici. Hein. Peut-être il en est, Allemagne. Il est connu un peu en plus, Allemagne mais, beaucoup ouais. Et il est connu parce qu'il a habité en Allemagne donc, ouais. Et parce qu'il a été obligé de partir d'Argentine. Mais c'est vrai qu'il est connu plus en Argentine et en Allemagne. Voilà, c'est pour ça que... Mais c'est dommage parce qu'on avait effectivement une amie qui le connaissait bien et qui était une bonne copine de lui. Mais bon, on n'a pas réussi à la joindre, donc c'est pas grave. On essaiera de lui demander la prochaine fois. Oui. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, on va faire quoi? Ben, on va passer encore un petit morceau de musique et après, je fais un petit agenda parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter dans l'agenda, j'ai vu. Ben, alors, on fera calme. On fera calme. Donc, tu passes un petit morceau de musique ?